Donc, hören, c'est entendre. Le verbe plonge dans le passé avec gehört. Comment diriez-vous j'ai entendu cela? Je l'ai entendu. Ich habe es gehört. Tout à fait. Ich habe es gehört. Je l'ai entendu. Donc, hören, c'est entendre. Écouter, c'est anhören. Anhören. Comment dira-t-on je l'ai écouté? J'ai écouté cela. En allemand, je l'ai écouté peut se dire je me le suis écouté. Sauf que l'on plonge dans le passé à partir de haben. Ich habe. Ich habe. Ich habe es mir. À moi. Et maintenant, il vous faut plonger dans le passé de anhören. Angehört. Bien. Ich habe es mir angehört. En effet, an est une particule séparable. On a anhören et lorsqu'on plonge dans le passé, angehört. Gehören signifie appartenir. Comment diriez-vous cela m'appartient? Est-ce que... Es gehört mich. Cela appartient à moi. Es gehört mir. Mir, oui. Es gehört mir. Et cela ne m'appartient pas. Es gehört nicht mir. En disant es gehört nicht mir, vous insistez en fait sur à moi. Cela n'appartient pas à moi. Comment diriez-vous cela ne m'appartient pas? Es gehört mir nicht. Es gehört mir nicht. Très bien. Comment diriez-vous cela m'a appartenu? Cela a appartenu à moi. Se dira es. Es hat. Mm-hmm. Mir gehört. Bien. Es hat mir gehört. Cela m'a appartenu. Ge, ge, n'est pas une particule séparable, donc on n'ajoute pas de second ge lorsqu'on plonge dans le passé de gehören. Gehören, gehört. Il y a donc une différence entre es hat mir gehört, cela m'a appartenu, et ich habe es gehört. J'ai entendu cela. Je l'ai entendu.